Et oui, on boucle la boucle avec donc cette autre sortie shampoing, Trois ombres de Cyril Pedrosa. Donc comme on disait au début d'émission, Cyril Pedrosa, on le connaît ici à Pop Culture, on vous en avait déjà parlé, notamment pour son premier album solo, Les Cœurs Solitaires, qu'il avait publié chez Dupuis dans la collection Expresso, si je ne m'abuse. Absolument. Qui était un sympathique portrait d'un trentenaire solitaire qui recherchait désespérément l'âme sœur. Et c'était plutôt pas mal. Je crois que tu avais beaucoup plus apprécié que moi, je dois bien l'avouer. Moi, j'avais trouvé ça intéressant, graphiquement virtuose, avec une mise en couleur de Walter impeccable. Donc voilà, c'était un auteur à suivre qui n'était pas un nouveau venu dans la BD, mais qui, pour un premier album solo, avait plutôt bien réussi son coup, même si, comme toute première œuvre, il y avait des imperfections. Oui. Alors, Cyril Pedrosa, jeune auteur, il a quelque chose comme 35 ans, et il a commencé, me semble-t-il, dans le dessin animé. Il a d'abord travaillé dans l'animation, et son trait est clairement influencé par, par toute cette culture américaine du dessin animé, avec un dessin très rond, très graphique, vraiment très accrocheur, avec un côté parfois un petit peu mignon, mais avec cette particularité de ne jamais faire dans le gratuit et ne pas faire dans le joli pour dire de faire joli. La preuve avec Trois ombres qui ne fait pas dans l'histoire gentillette. Cyril Pedrosa, pour en terminer avec sa bibliographie, il est également connu pour Ring Circus sur un scénario de Chauvel, pour aussi Shaolin Moussaka, toujours avec Chauvel. Ah, c'était lui ça. C'était lui. C'était très bien Shaolin Moussaka. Moi, je dois bien avouer que je n'ai jamais lu, mais ça a l'air plutôt rigolo. C'était vraiment fin la gueule. Mmh. Et ils ont tous les deux entamé une nouvelle série dans la collection pour enfants inaugurée par Dupuis, qui a l'air sympatoche aussi. Je me souviens plus du nom. Et c'est apparemment une histoire de gosse, genre Club des Cinq, mais confronté à plein de phénomènes paranormaux. Ça a l'air très très marrant, très débridé. Mais Cyril Pedrosa, quand il est au solo, manifestement fait des choses beaucoup plus sensibles, beaucoup moins dans l'humour et plus dans la mélancolie, comme on avait pu le voir avec Les Cœurs Solitaires. Alors ici, on est très très loin de la chronique de trentenaire désabusé, très très loin d'histoires ancrées dans le réel. Ça y est, ça il devient l'a dit. Un gimmick. Oui. Je le faisais exprès, évidemment. Bah, évidemment. Ah, oh, bah, oui. Faut pas déconner. Et cette histoire, eh ben, c'est celle essentiellement de Joachim, un jeune enfant qui vit avec son père et sa mère dans une petite maison, dans une ferme, retirée dans la nature, et il mène une vie, un petit noyau familial très paisible, en communion avec la nature, sans se poser de questions. La vie n'est pas dure, elle n'est pas mirifique, mais on sent que cette famille est épanouie et vraiment la plus heureuse du monde. On ne sait pas trop quel est l'univers. Il y a un côté un peu heroic fantasy, un côté un peu aussi 19e comme ça. On ne sait pas trop où ça se situe géographiquement. On comprend que le père de Joachim est originaire d'une contrée lointaine où la langue est tout à fait différente. Ça pourrait par exemple être l'Europe et il serait en Amérique, mais on ne sait pas. Il y a des marchands d'esclaves aussi, les questions de traverser de l'océan, puisque cette petite famille va vite voir sa vie bouleversée par trois ombres, trois cavaliers qui observent la famille de loin et dont on ne peut jamais s'approcher. Ils s'échappent toujours. Et face à cette menace mystérieuse qui pèse très très lourd sur la famille et plus singulièrement sur Joachim lui-même, dont la maman va voir une femme qu'elle connaît à la ville. Elle voyage très loin et elle connaît les choses mystérieuses et elle sait lire dans les signes et elle lui dit qu'il n'y a rien à faire, que les trois ombres sont là pour son fils. Et donc le père, contre la vie de sa mère, décide de partir loin, d'essayer d'échapper à cette fatalité des trois ombres. Et va entamer un immense périple qui passera notamment par une grande traversée de la mer, de l'océan, très très loin. Et en cherchant à tout prix à échapper à ces trois ombres, mais forcément, comme dans tout périple effréné pour sauver sa vie contre des forces qui nous dépassent, les choses sont beaucoup plus compliquées et la maîtrise de l'humain face à son destin est toute relative. Donc c'est une espèce de conte, d'histoire aux résonances mythologiques vraiment très très profondes que Pedrosa nous livre, où des choses très douces, très familiales, très tendres et amusantes se dessinent. On est vraiment au début dans la comédie, avec ce dessin très mignon et très accrocheur qui d'un côté n'annonce pas la couleur. On a vraiment l'impression que ça pourrait être quelque chose de marrant. Oui, c'est plutôt un dessin humoristique. Voilà, a priori, c'est plutôt un dessin humoristique avec ce petit personnage Joachim qui a vraiment un look à la Zelda, mais le Zelda en cel shading tel qu'on connaît maintenant. Oui, vraiment, oui, oui. Il a la même dégaine avec un petit bâton, un petit bonnet. La BD est en noir et blanc, donc mais on imagine très bien qu'il doit être habillé en vert ou quoi. C'est vraiment très très marrant. Et où en étais-je? Donc voilà, donc ça démarre comme une comédie, mais très très vite ça va devenir beaucoup plus grave. On est confronté à des choses beaucoup plus dures. Hein. On parle de marchands d'esclaves, la dureté de personnages qui sont violents et qui se battent pour survivre. Et puis après cette partie plus dure et plus dans le côté un peu pas épique mais de voyage, vraiment de confrontation de personnages qui découvrent les réalités du monde pas plus civilisé mais plus développé, la ville alors qu'eux vivaient à la campagne, la dernière partie du livre se termine de manière un petit peu presque philosophique, presque mystique, avec d'abord la rencontre d'un personnage qui clairement a des pratiques qui relèvent de la magie, et là on verse carrément dans le fantastique, et puis la dernière partie qui est presque quelque chose de l'ordre d'une espèce de mystique à la Miyazaki, enfin vraiment quelque chose de très beau. Il y a aussi comme Johann Sfar peut, des choses comme Johann Sfar peut les faire aussi, dans cette espèce de fantastique mais avec une sensibilité dans le côté un peu dramatique, mélodramatique, pathétique des personnages qui sont complètement dépassés par les événements et qui vivent des choses vraiment énormes par rapport à simplement leur petit statut d'être humain. Et ça se termine de manière très très belle, peut-être un petit peu abruptement pour un récit qui fait presque 270 planches. Ouf, oui, quand même, c'est ça se termine de manière un petit peu abrupte peut-être, c'est pas vraiment une fin ouverte, mais c'est plutôt une fin poétique, on va dire, où on ne trouve peut-être pas toutes les explications, on n'a pas le fameux de l'histoire, on comprend pas tout, c'est clairement une BD qui mérite d'être lue et relue, mais qui finalement est très cohérente, très juste, qui sonne juste, même si elle est frustrante, mais c'est voulu, je pense. Ah bah ce oui. Côté, on va quand même pas tout vous donner toutes les clés de l'histoire et puis retomber sur un truc. Ah, mais finalement, c'était donc ça. Non, on nous laisse sur des perspectives beaucoup plus touchantes. Et c'est vraiment une BD finalement touchante, très mélancolique, avec un dessin qui varie beaucoup. On commence sur des choses très très avec ce graphisme très stylisé, très très accrocheur, très humoristique, mais il n'hésite pas à aller dans un noir et blanc beaucoup plus dur, beaucoup plus âpre, et puis des choses qui sont plus dans le crayonné, beaucoup plus assuré. Donc il y a une cohérence du style de la plume, mais vraiment une grande variété de techniques qui sont jamais gratuites, qui sont toujours appropriées pour vraiment communiquer le plus de sentiments et d'émotions par rapport à l'atmosphère qui est là dans ce moment. Donc c'est vraiment une belle réussite et vraiment, je pense, la découverte ou la confirmation en tout cas d'un vrai talent, au-delà de ce talent graphique, vraiment d'un vrai talent de conteur d'histoire. Il arrive vraiment à créer un univers dont finalement il ne nous révèle pas grand chose, hein. Tout ça est très énigmatique, on sait ni où, ni quand, ni pourquoi, mais on est vraiment happé par cette ambiance aux résonances mythiques, mythologiques, et clairement qui virent dans le fantastique. Donc Trois Ombres, un magnifique un magnifique récit de Cyril Pedrosa. Et encore un bouquin Shampoing avec encore un autre format et une autre pagination. Donc là, ici, on est plus dans le format roman graphique. Hein, donc, petit livre compact qui fait donc, comme je le disais, presque 300 pages et qui se dévore d'une traite. Absolument. Eh bien, ça donne envie, en tout cas. Moi aussi, en reparlant, j'ai envie de le relire. Eh ben voilà, ça tombe bien, puisque c'est le tien, finalement. C'est vrai, ça. Voilà, d'un côté, ça, c'est super pratique.